Salut, c'est Comme une oreille, émission de musique sous licence libre. La semaine prochaine, le mardi 19 septembre 2017, à la ferme Lou Carcoron, Comme une oreille, le collectif organise un concert avec trois groupes. Il y aura Silent Block, qui est un groupe local, on n'a jamais écouté encore, mais avec des membres de Box of Brats et de Marie Audwyer. Et Avec saxophone. saxophone, batterie, guitare. Voilà. C'est ça. Qui font du rock instrumental. Et il y aura Nursery. Nursery, c'est un groupe de Nantes qui fait de la pop puissante à paillettes. C'est comme ce qui se décrivent. Et c'est un peu ce qui nous a amené à faire cette thématique de l'émission là aujourd'hui. Stress et paillettes. Stress et paillettes. Stress et paillettes. Donc Nursery, on va écouter un morceau de Nursery, vous allez pouvoir vous faire une idée. Et Fumonero qui vient de Paris et qui fait de l'Italo disco. Et voilà, encore plein de paillettes. Alors, on commence tout de suite avec des paillettes. Et la chanson? La chanson, c'est Too Much Light, trop de lumière, de Nick Vivid. C'est parti. She s'appelle Worm. Et donc Nursery qui va venir jouer chez nous à la ferme Loucourt-Couron le 19 septembre, c'est prix libre, à 20h. Et voilà, une ambiance assez glam, pleine de paillettes, le chanteur est tout maquillé, avec ça brille de partout. Et c'est un style qu'on retrouve, c'est marrant, là ce matin j'ouvrais la page Bandcamp, du site Bandcamp, qui est une plateforme où les groupes mettent leur musique en ligne, peuvent la commercialiser directement à cet endroit-là, et on trouve des choses assez fantastiques, sous licence libre ou pas. Mais beaucoup, on trouve beaucoup de choses sous licence libre. Et justement, l'article qui était mis en exergue sur la page d'accueil, c'était New Retro Waves Science Fiction, Synth Waves Keep the Sounds of the 80s Alive. Donc le son des années 80 est toujours vivant grâce à la nouvelle Retro Wave Science Fiction, la Synth Wave. Voilà, on en parle beaucoup. On est vraiment dans le coup du coup avec cette émission-là aujourd'hui. Et on vient donc d'écouter Nursery. Juste avant, on avait écouté Nick Vivid. Nick Vivid, c'est un chanteur qui fait partie d'un groupe de garage initialement, un groupe de garage new-yorkais qui s'appelle The Nucleus. Et là, c'est son premier album en solo qu'il a sorti l'an dernier, en 2016, où il renoue du coup avec les pantalons larges, les boules à facettes, la voix au perché. C'est vraiment bien. On va écouter Apocalypso. C'est un groupe de musique de reprise. Ils font tout en musique folk, un peu comme des scouts autour du feu, avec des guitares, des percus, un kazoo, des choses comme ça. Et ils reprennent plein de chansons très connues. Alors celle-là, on va pas citer le titre, mais vous devriez reconnaître à peu près la première mesure. C'est Apocalypso, et c'est la bande de Marilyn Rambeau qui était venue l'an dernier jouer aussi à Fort Calquier. Voilà. Et je redis, parce que Nursery donc va jouer à la ferme Loucourt-Couron le 19 septembre. Je suis pas sûr qu'on ait entendu tout ce que tu as dit, parce que j'ai l'impression que le son était pas très haut. Et donc on a bien entendu Nursery avec Worm juste à l'instant, et tu nous disais Nick Vivid après avec Too Much Light au début. C'est ça. C'était bien. Hein, on et écoute donc, Apocalypso maintenant. Ouais, Gilbert Montapier et Hop Hop Hop avec le tube de l'été. Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau. Gratte-moi Gilbert Montapié par Apocalypso. Et maintenant, on écoute le tube de l'été de Hop Hop Hop. Extraterrestre, mes grichons dans ta bulle musicale. Tu tournes et retournes sur toi-même de la planète Pop Pop. Tu n'en reviens en riant que pour un petit peu d'attention. Pour toi, c'était juste des vacances. Et moi, je voulais juste comprendre un peu pour qu'on puisse regarder dans les yeux. Voilà, c'était Hop Hop Hop à l'instant avec le tube de l'été. On vous l'avait déjà passé avec d'autres chansons. On l'avait découvert, enfin moi je l'avais découvert avec les compilations Tenia Solium, compilation de musique en libre droit où il y a eu quatre compilations. Et celui-là, il est issu d'un album qu'on n'avait pas passé encore qui s'appelle Mostly TAS 570. Mostly TAPS en fait. Enfin, c'est les albums Mosla, c'est Almost en fait à l'envers. Et c'est le label La Souterraine, qui est un label qui se concentre sur la recherche de musique française assez marginale et assez novatrice, donc rock français, à chaque fois avec des paroles en français en tout cas. Quoi. D'accord. Il y a des choses très chouettes, pas forcément sous licence libre, hein. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui diffusent leur musique sous licence libre, mais lui au pop-up, il le fait, c'est pas le seul, mais il le fait. Et en tout cas, celui-là a été enregistré en 2011-2012. Il a une discographie de 4 albums, dont un qu'on lance le Fligé. Il est de Saint-Étienne. Et voilà, il enregistre avec sa voix, avec des vieilles machines. Et issu de ce que tu me disais en antenne de la scène squat. Et il veut faire, il dit, un mélange de variétés chansons alternatives, on va dire. Voilà, vous pouvez le retrouver sur, aussi sur Bandcamp. Là, on a retrouvé sur bandcamp.com. Et là, du coup, on continue cette thématique où on revient un peu dans les années 80, quelque chose qui est du coup très très à la mode en ce moment, mais et qui du coup se retrouve aussi dans les musiques sous licence libre. Et là, on va écouter donc un groupe qui s'appelle Pablo G. Pablo G and the Lobsterettes, avec le titre Disco Panetton, que j'ai trouvé sur Bandcamp en faisant des recherches autour des paillettes. Et on enchaînera avec un groupe italien. aussi disco hip-hop, vous allez voir. Disco per l'estate par le groupe Black Jekus. Italien, donc Italo Disco peut-être. Giorgio Moroder. Mangiare caviale champagne, io faccio pam pam, no waka waka sacca boom chaka laka ma qua stiamo freschi coi piedi a bagno nell'acqua, la fa ancora più calda, pa pa pa ra, pa. Vamos casa a bailare. Il ritmo della noce che percuote notte dopo notte balla fino all'alba. Musica degli oti, copy lobby da DJ, salti vuoti con i voti, giochi da hit parade. Cabra la sta cabala, già che ci sei, che la lingua scivola e la mente elabora. Rime effetto sciabola, flussi di parole, dammi sole, cuore, amore, fammi stare ore a farmi male. Tipi da beach, spiaggia col frisbee, pompiamo dischi in quest'isolato locale. Balneare, tieniti pronto ad alzare le mani, fino a domani. Questi sono i richiami di stereotipi strani, che per i fan fan canzoni d'umore e dischi per l'estate come la canzone. Così fai disco per l'estate. L'estate che incombe con le mode, con il sole, con le spiagge vuote, manco di notte, con le canzonette d'amore fatte con due accordi sulle corde delle chitarre da fallo e farlo in nome dell'amicizia e del cuore. Te ne stai a limonare, Montizio ti suona per ore, canzoni d'amore scordato come poche oche, canzoni e situazioni da karaoke o da DJ con il disco per le discoteche. Cassa dritta per il ritmo, scegliendo drink e droghe, ma solo in base alle mode. Del tighi tighi tighi da a musica fatta di plastica, mica per chi ne mastica. Drastica la presa male personale, con le palle che ti girano in fiamme. Guardo gli aerei planare sul mare, poi penso ai tuoi occhi che mi fanno innamorare. Sulla spiaggia l'ombrellone, l'amore, il cuore, il colore del mare, l'olio da spalmare. Voglio ballare con te, la la la la la, che se fai come Simone, lo sai, avrai il tuo disco di stagione. Così fai il disco per l'estate. Là on écoutait Disco per l'estate. Est-ce que tu l'as trouvé où en fait ça? Alors ouais, c'était à l'instant Disco per l'estate, je l'ai trouvé sur Bandcamp. J'ai fait des recherches que sur Bandcamp, qui fait pas que, on rappelle, que des musiques en libre droit, mais qui permet de découvrir en tout cas plein de groupes. Et c'est un groupe italien, ça veut dire disco pour l'été en italien, voilà, on est encore dedans quand même, même si c'est le moment de la rentrée. Je croyais que c'était disco pour l'état. Et non, ouais, mais on aurait pu croire, mais non, estaté, j'ai vraiment cherché, c'est la disco pour l'été. Et c'est une dernière création et provocation de Black Jekus, donc le groupe, sur le label Habitat Records, et le rap d'Avatar et Réputation. Et voilà, eux, ils disent, en tout cas, ils collaborent avec plein d'autres artistes ou d'autres labels, et qu'ils ont un objectif à faire réfléchir ce que sont les scènes du pays, mais surtout d'amuser, de danser, comme vous avez pu le sentir un petit peu sans devoir rien planifier ou réfléchir. Voilà. Un coup de vent de fraîcheur pour abattre la chaleur étouffante du surpeuplement balnéaire et musical de ces temps. C'est marrant parce que fraîcheur, c'est vraiment ce qui me venait à l'esprit. Là. Je trouve ça très frais en fait, tout ça. C'est bourré de nostalgie, c'est référence à des musiques qui ont 30 ans là, maintenant. Bah ouais, au moins, si on est début des années 80, on va revenir vraiment tout début des années 80 plus tard, ouais. 35-40 ans. Et pourtant, c'est vraiment frais, quoi. Il y a aussi le fait qu'ils apportent beaucoup de choses qui sont des années 2010, quoi, dedans. Donc c'était Disco per l'estate de Black Jekus, et juste avant, vous avez entendu Disco Panettone de Pablo G and the Lobsterette, et là, c'est des gens qui viennent d'Australie, de Sydney, voilà. Un duo de disco électro en provenance d'Australie. Il n'y a pas grand chose, mais pareil, vous pouvez les écouter. C'est en téléchargement gratuit sur Bandcamp aussi. Et c'est de l'album Crustaceus. Ça doit être un rapport avec les crustacés, non? C'est bien possible, oui. En tout cas, il se rapproche aussi du mouvement. Enfin, il se revendique de l'italo disco, puisque, enfin, rien que par le titre, le panettone, il me semble que c'est italien. Hein. C'est un très bon gâteau italien. Voilà. Et un autre groupe, du coup, qui se revendique de l'italo disco, c'est donc Fumonero, qui va venir jouer avec Nursery, et dont on va écouter, du coup, un morceau maintenant qui s'appelle Ti Cerco. je parle pas italien, alors c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce. Mais donc du coup, Fumonero, ils ont, on les connaît pas très bien, on sait qu'ils viennent de Paris, que c'est un duo, et ils ont enregistré très peu de choses, mais là ils ont enregistré un morceau qui est paru sur une compilation, éditée par un label qui s'appelle Lentonia Records, qui est un label parisien, qui est un label consacré aux femmes. Initialement, j'ai l'impression qu'ils bougent un peu et qu'ils intègrent aussi des hommes dans leur production. Et du coup, on va écouter trois morceaux à la suite, en fait, de trois artistes qui font partie de ce label-là, Lentonia Records, avec donc Fumonero ici, issu d'une compilation qui s'appelle Planète Hurlante. Et ensuite, on va écouter EDH. EDH, c'est Elisabeth de Hautencourt, qui est la fondatrice, une des fondatrices en tout cas du label Lentonia, et qui fait de la musique électro, aussi synthwave, avec un chant soit en anglais, soit en français, mais en tout cas très trafiqué, et des paroles assez, assez poétiques. Moi, j'ai découvert ça là, pour la recherche pour cette émission, et franchement, j'aime beaucoup. Donc ETH, et ensuite Bad Bad, un groupe électro-français aussi, qui chante en français. Donc on va écouter ces trois titres, issus du label Lentonia Records. Donc Fumonero, EDH et Bad Bad. C'est parti. Thank you. Voilà, c'était Fumo Nero avec T-Circo. On continue avec EDH, Cream Time et Bad Bad avec San. Toujours sur Comme une oreille, Stress et Paillettes. Sorry, cherry, ah, and it just time to end all my crimes. If the sun shine, the night is so rare, the night is so shy, the night is so rare, and the sun too bright. sol se fracasse. Tu te rattrapes à quoi quand tu n'as plus d'espoir? Voilà, donc on a eu trois chansons, Fumonero avec Tisserco, EDH avec Crime Time et Bad Bad avec la chanson San du label. Du label d'Antonia Records, un label parisien à suivre, là, parce que vraiment c'est bien. Et donc on continue dans les musiques disco aussi un peu expérimentales avec BG du 72 qui a un album qui s'appelle Stress et Paillettes justement, d'où le nom de l'émission. On vous propose d'écouter Le Temps de Vivre. Et on enchaînera direct après avec une chanson maintenant qui s'appelle Paillette et le groupe Oyoma, issu d'un album Weekly Oloma numéro 3. Voilà, tout de suite BG 72 avec Le Temps de Vivre. C'est pas très dansant, hein. C'est pas très dansant, non. Là, c'était un extrait de l'album Stress et Paillettes de BG du 72. Et c'est juste à dire, c'est sur le label Mon Plaisir, qui est un label du Mans, et qui fait un joli jeu de mots. C'est un label de Royalty Freak Music, avec le Royalty Free, et donc du coup, musique sous licence libre, mise directement, partagée directement dans le domaine public, sans droit. Et là, on enchaîne avec un morceau qui s'appelle Paillettes. Yama, Paillette, un petit morceau glitter. Voilà, c'est issu d'une compilation avec plusieurs groupes qui s'appelait Weekly Olama numéro 3, et donc du label Pain dans le cul. Voilà, deux petites musiques d'une minute assez expérimentale. Le label est à Nantes, vous le trouvez aussi sur bandcamp.com. Et vu qu'on n'a pas quand même fait notre petit tour de rappeler que toutes ces musiques sont en libre droit de diffusion, et en tout cas celui que vous avez entendu avant de BG du 72, Stress et Paillettes. Donc il est en Creative Commons, et sous ces musiques en licence de droit de diffusion peuvent permettre certaines possibilités et certaines restrictions, et celui de Stress et Paillettes par exemple sont libres pour le partage, la copie et la distribution du matériel, et aussi pour remixer ou transformer l'usage de ce qu'il a fait, même à des fins commerciales pour lui. Ce qui n'est quand même pas souvent le cas pour les groupes. Souvent, pour, c'est plutôt à usage non commercial et ou qui permettent ou pas la réutilisation pour la remixer ou pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est des musiques qui sont partagées librement, quoi. Et c'est vraiment ça le principe des licences libres. Et bon, tant qu'on est dans les musiques pas dansantes, mais autour des paillettes et tout ça, là, et du disco, je suis retombé sur un artiste anglais, Ergo Fismis, dont on a déjà passé plusieurs fois des morceaux dans différentes émissions, parce que c'est un artiste vachement intéressant. Là, ici, il nous propose de la disco music for a funeral, donc pour un enterrement. Disco music, alors du coup, je suis allé regarder... Ce que c'était que la musac, et la musac, c'est parce que je connaissais ce terme, mais je savais pas vraiment, mais c'est un vrai terme. Il y a une société musac qui avait été créée dans les années 80, justement, aux États-Unis. Et c'était la musique aseptisée, celle qui passait dans les ascenseurs. Et c'était lié, c'est un jeu de mots, enfin, un mix entre Kodak et musique. C'est de la musique d'ascenseur. Donc là, c'est de la disco music for a funeral. On va en passer un extrait. Ça peut être un peu énervant. Disco music. On va s'arrêter là. On va écouter The Undynamic Pop Experiment, un groupe de glam rock. C'est aussi plein de paillettes, ça. Ouais, c'était pas évident. Allez, c'est parti. We'll be right back. spells. Voilà, là on écoutait The Undynamic Pop Experiment, un groupe américain. Pas beaucoup d'éléments là-dessus. Le morceau s'appelait Part-Time Lover. Et là on va écouter encore un extrait d'une compilation Tenia Solium. Numéro 4, et oui, la Bible, avec le groupe Hydroélec. Ça s'appelle Les Robobos, une reprise d'une musique que vous allez certainement reconnaître, qu'on vous laisse reconnaître. Et on enchaînera après avec Numbavan. Ouais. Et Pomiche, voilà, pour les quelques derniers morceaux qu'on vous propose dans cette série Stress et Paillettes. C'est parfait, là, l'enchaînement avec le prochain morceau va se faire parfaitement, là, ce petit morceau de russe avec cette musique ultra lo-fi. Là. Donc c'était Hydroélec. Hydroélec qui reprenait Kraftwerk. Voilà, je pense que vous avez reconnu, ça a été enregistré dans l'atelier du 102, atelier autogéré de Grenoble, par un groupe qui s'appelle Fantomas. Et on nous dit que la traduction est exacte. Voilà, ça s'appelle des Robobos. C'est du Google Trad. Et donc du coup, on va enchaîner avec un autre groupe très lo-fi, aussi, Low Fidelity, de mauvaise qualité. Hein. Russe, c'est un petit peu folk, c'est disco aussi. Ça s'appelle Nambavan. Et alors, on retrouve plein de... C'est assez caricatural, en fait, une voix autotunée, un peu comme Ozone. Vous vous souvenez ce groupe qui avait fait un carton dans les années 2000, un groupe roumain, je crois, qui avait gagné je sais plus quel prix et qui était sur toutes les radios. Bref, ça se ressemble un peu à une mélodie mièvre et on peut se demander si c'est parodique des toutes les musiques invasives que les ondes passent depuis un bon paquet de temps maintenant. Donc c'est un morceau qui s'appelle Pomnich et c'est Nambavan, c'est russe. Est génial. Vraiment. Belle trouvaille donc des Russes. Number one avec Pomnich. Alors, on va enchaîner du coup là, le tout dernier morceau pour terminer cette émission sur Stress et Paillettes de Commune Oreille sur des musiques sous licence libre. Avec, là on va loin aussi dans les références aux années 80. Ça s'appelle Kevin MacLeod, c'est le nom de l'artiste et le morceau s'appelle Presenterator. Yeah. Alors on reprend un peu ce qu'on a écouté depuis le début de cette émission. On a d'abord écouté Nick Vivid, ensuite Nursery, Apocalypso. Avec Gilbert Montapied. Hop Hop Hop, du tube de l'été. Pablo G and the Lobsterettes. Disco Panettone. Et il y avait juste après la disco Per l'Estate par Black Jekus d'Italie. Après, on est reparti sur le label parisien L'Antonia Records avec Fumonero, EDH et Bad Bad. Puis des petites musiques expérimentales. Après, les petites musiques expérimentales, c'était Stress et Paillettes par BG du 72 et Paillettes de Weekly Oyama. Et puis un extrait de Ergo Fizmiz, Disco Music for Funeral. Puis ce morceau du groupe pop américain Undynamic Pop Experiment. Nambavan qu'on écoutait juste avant. Et enfin, nous sommes en train d'écouter Kevin MacLeod. Et juste avant Nambavan, il y avait Hydroelec avec les Robobos. Exact. C'était comme une oreille, Stress et Paillettes. Septembre 2017. Septembre 2017. Vous pourrez réécouter cette émission sur le blog de Commune Oreille et sur le site de Radio Zinzine. communeoreille.blogspot.fr ou www.radiozinzine.org. Et on vous fait des bisous avec toutes ces paillettes. À bientôt.